serpent ne rentre pas au bar. Les serpents ne rentrent pas au bar. Rappeur de Terrence, mais sur le sentier de la guerre, j'élabore une tactique de mon QG militaire. Ils vont prendre à leur grade, guerre totale. Test de résistance qui sape leur morale. Attaques incessantes, morts et tortures. Fais le blocus et les M6 se serrent la ceinture. Pénurie de rimes, ration de munitions à côté de ça. Mon stock est rempli de provisions. Ouais, pour que les gens puissent grailler de mes textes. Ne pas moquer de bonnes choses dans un tel contexte. C'est une à une que je remporte mes batailles. Si on m'attaque sur les deux flancs, je brise la tenaille. J'ai gagné mes galons sur un tas d'MC et beaucoup me supplient encore. Épargner leur vie avec le prix Nobel de guerre qu'on me décerne. C'est le drapeau blanc qui est mis en berne. Les serpents ne rentrent pas au bas. On zigzague et dans notre attitude on reste droit. Les serpents ne rentrent pas au bas. Et même si on sort des rangs, on marche droit. Les serpents ne rentrent pas au bas. On zigzague et dans notre attitude on reste droit. Les serpents ne rentrent pas au bas. Et même si on sort des rangs, on marche droit. L'homme de tête, ouvre ne vole pas. Notre bataille nous appelle donc de nouveaux combats. Du courage le dit, le bel est en art. Pour qu'ils puissent voir venir ceux qui se préparent. Une guerre sans merci, donc sans prisonniers. Ma section attaque en ordre dispersé. Ils savent déjà plus où donner des paupières. Que le gros des troupes est encore derrière. Sur le front, ils ont un os à résoudre. Un bataillon d'MC décidé en découdre. La mort leur ira si bien que j'ai choisi la vie. Les lâches préfèrent fuir, ça sent le roussé. Ou même se rendre, même qui on se moque. Même jusqu'à la fin, ils seront restés médiocres. Encore d'autres combats, dans d'autres combats. Je leur fais passer l'arme à gauche avec mon bras droit. Je prends mes ordres du gars qui est au-dessus de moi. Personne ne compte à part lui, je n'ai pas de mi-fa. Ma seule fin, finir le combat seul. Ce souci de mon fusil, ce que j'ai choisi. Je possède des hommes qui tombent, des femmes qui gueulent. Je dégueule mes cartouches, mes cartes aucun petit. Je finirai ma mission, la missive du missionnaire. Des missionnaires est un peu plus clair. Le poteau ou la pitié pour des putes dans sourcils. J'décapite sans sourcils. À peine si je fonce les sourcils. Le silence des agneaux qu'on égorge. Pris à la gorge comme à la force. Je force mes victimes abattues à coups de marteau. L'arme du crime, seul le crime paie. Peut-être que pour la cause du hip-hop, je cesserai de tuer comme un taré en non-stop. Le flop produit qui font même des beuglis. Pour pouvoir faire partie du leadership. Signe ton testament. Ouvrons les armes avant que je prenne les devants. Exécuteur testamentaire. Légataire universel, soldier du verre. Les serpents ne rentrent pas au bas. On zigzague et dans notre attitude on reste droit. Les serpents ne rentrent pas au bas. Et même si on sort des rangs, on marche droit. Les serpents ne rentrent pas au bas. On zigzague et dans notre attitude on reste droit. Les serpents ne rentrent pas au bas. Et même si on sort des rangs, on marche droit.